catch a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! Did he get it? He got it! Touchdown! He did it! He did it! Here's a shot! Henderson made a wild snap for spell. Here's another shot right by the shore! Et c'est capté. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour la rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. All abandoned is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The Bears have won. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bonne Saint-Patrick à tous les Irlandais, vrais ou faux, qui ont mal à la tête ce matin! Et vous êtes à l'écoute de la conduite de partie sur les ondes de C'est fou comme tous les mercredis 10h. Au micro, Nicolas Ducharme, à mes côtés, Giroux, de son prénom Pierre-Luc. Comment ça va, matin, Pierre-Luc? Ça va très bien. Ça va très bien. T'as-tu fêté un peu à Saint-Patrick? Ah, plus ou moins, non. Je suis pas un Irlandais, donc je fête pas. Pourtant, ça, t'as des traces de roux dans les cheveux. Ah, écoute. Ah, qu'est-ce que tu veux? Peut-être que t'as du sang irlandais, tu le sais pas. Ah, peut-être. Peut-être, je veux dire, t'es peut-être un léprochon, puis tu le sais pas non plus. Ben là... Hey, ce matin, tout le monde, on vous parle fin de saison des Patriots soccer. Ben, fin de saison, début des éliminatoires pour les Patriots au soccer, les filles et les hommes qui étaient en action ici même au Centre Alphonse Desjardins de Trois-Rivières. Mais surtout, cette semaine, l'émission est consacrée au hockey junior majeur du Québec. Début des séries, vraiment, on va parler de tout ça. Puis il y a Luc qui... T'as du stock pas à peu près cette semaine, oh, ouais. Je pense. On va avoir des affaires à parler, vous allez voir. Ouais. Pour nous rejoindre en studio, c'est le live à commercial inconduitedepartie.com. Notre site internet, chronique, réécoute de l'émission, tout ça, le www.inconduitedepartie.com. Donc, on en parlait, je viens de le dire. Les Patriotes féminines affrontaient l'Université de Montréal, les Carabins. Faut-tu dire Carabins ou Carabines? Carabine. Carabine, ouais, sérieusement? Carabine de Montréal. Ah ouais, ok. C'est pas vrai. Non, non. Ben, je sais pas, là, je veux dire, on vit dans une époque où il faut que tout soit vraiment correct. Ouais, masculin, féminin. Masculin, féminin. L'égalité. L'égalité, je voudrais pas commettre d'erreur, comme on dit, ou quelque chose comme ça. Donc, ils étaient en action ici même au Centre Alphonse Desjardins. Ouais. Hey, ça finit bien. Bon, donc on dit en action ici même contre Montréal. C'était une grosse commande. Non, on s'entend, c'était très difficile. Veux pas les Patriots, c'est une très bonne... Pas les Patriots, mais les Carabins, une très bonne équipe. Vraiment beaucoup de joueurs de haut calibre. Ça s'est soldé par la marque de 8-2 pour les Patriots. Donc, pas facile. Grosse défaite ici à Trois-Rivières. Grosse défaite. Élimination en plus. Élimination. Oui, c'est éliminé. C'est terminé là, pour eux. On peut pas dire là, que je m'attendais pas à une victoire. C'est sûr que c'est tough. Peut-être pas une cuisante défaite, ouais, comme ça, par exemple. C'est une bonne défaite quand même. Donc, chez les perdantes, les buts ont été à Marie-Michel Lapointe et Jade Richer, qui ont donc compté deux buts. Une passe pour Rosalie Cadieux. L'effort était probablement là. Malheureusement, là, c'était un duel qui n'était pas égal. Donc, bravo quand même aux filles pour votre saison complète de soccer intérieur. Ouais, je pense qu'il y a eu place à l'amélioration cette année là, du côté des filles. Ouais, il y a eu de l'amélioration. Lentement, mais sûrement, le programme est quand même bien. Donc, chez les hommes, ils affrontaient l'Université de Sherbrooke. Ça s'était terminé là, au classement général. Si je me mélange pas, UQTR a fini 4e, Sherbrooke 5e. Donc, très chaud comme duel. On s'attendait à être quoi de vraiment très serré comme duel, mais non, pas du tout. Victoire des Patriots 5-0. Yes. 5-0 contre Sherbrooke. Écoute, je m'attendais quand même tu sais, que ça soit très serré. Du tout, du tout. Grosse performance. Écoute, les buteurs, là, j'espère juste pas maganer son nom. Mohamedou Bachir Diop, donc si j'ai magané ton nom, désolé. Émile Galland-Dufour aussi un but. Philippe Saint-Laurent un but. Marco Antonio Torrens Garcia, un but pour lui aussi. Et Yannick Toussignat, donc 5 buts. C'est vraiment bon, là. Ouais, Pierre Clermont avait bien préparé ses joueurs, je pense. Ouais, ben, ça sent bien. Puis on se rappelle là, qu'il y avait eu de la bisbille à la fin de la saison de soccer extérieur. Les coachs, les joueurs, il y avait du bougonnement. Certains joueurs avaient quitté l'équipe, si je me trompe pas. Puis là, tout d'un coup, là, on se rend en deuxième ronde des séries. On a eu une bonne saison de soccer intérieur, là, sérieusement. Je sais que c'est pas tout à fait la même chose, le soccer intérieur, le soccer extérieur, mais quand même, ça reste du soccer, là. Je peux pas croire, à moins qu'il y ait des joueurs d'autres universités qui jouent pas l'hiver, ça, je pourrais pas dire. Mais en tout cas, quand même, très bonne performance. Justement, avec son but, puis sa passe, Marco Torrens a eu une passe aussi, un assist. Il se mérite le titre de joueur de la semaine chez les Patriotes. Toutes nos félicitations à lui. On espère que sa performance, ça va réussir à amener les troupes sur une victoire contre l'UQAM la semaine prochaine. Donc, combien, ouais. L'UQAM? Premier. Premier? Ouais, aucune défaite. Ça va être difficile, mais regarde, faut garder confiance. Faut garder confiance. Je pense que avec une performance de 5-0 contre ça, comme contre Sherbrooke, c'est ça part très, très bien. Ouais. Au niveau des séries. Donc, on va souhaiter bonne chance à nos représentants qui continuent leur saison. Ça va bien. Donc, autre nouvelle, on en a parlé, les Patriotes la semaine dernière. Hockey, Patriotes hockey, ont été éliminés contre les Redmen de McGill en 2 matchs. Les Redmen, donc, allaient affronter Western University, les Mustangs, dans la Queen's Cup, qui est le championnat de l'Ontario, là, dans le fond de la conférence Ontario. Ontario Sports Athletics, en français, en anglais, excusez-moi. Pour savoir qui allait gagner, ben écoute, McGill n'a pas réussi à continuer sur leur lancée. C'est les Mustangs qui l'ont emporté dans un gain de 2-1. Donc, c'est quand même très chaud, là, 2-1. Ouais, là, ça a été un gros match. Ça a été un gros match. Bonne performance de Kevin Desfossés chez McGill. Je te dirais que j'aurais aimé ça voir ce que les Patriotes auraient pu faire là. Ça aurait été le fun cette année aller au championnat national. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Aussi, les bonnes foules là-bas à Western. On va suivre vraiment les activités du championnat national qui va commencer bientôt. Je pense que dans l'université, dans la conférence de McGill, tu vas avoir Western, puis tu vas avoir Lakehead qui vont représenter la conférence d'Ontario pour le tournoi dans le fond. J'avais aussi une nouvelle, Pierre-Alexandre Rousseau, qui est un skieur de freestyle un peu en boss, qui malheureusement sa saison s'est terminée cette semaine, blessure aux côtes suivie d'une chute. Moi, je suis un fan de ski, c'est pour ça que j'en parle. Parce que aussi, c'est le nouveau Québec Air Force qui est de retour, comme on l'appelait à l'époque, qui était le Québec Air Force, c'était en saut là, avec Nicolas Fontaine. On avait l'Anglois, si je me trompe pas. Je veux pas maganer personne, mais je veux pas. T'étais bien parti. Non, mais c'est ça. Donc c'est ça. Qui s'est blessé malheureusement, mais lui, Vincent Marquis, puis Alexandre Bilodeau, 3 grosses forces là cette année. C'était des, je peux te dire des threesomes sur le podium. C'est peut-être pas le bon mot à utiliser, des triples à 3, mais en tout cas, des triplés sur le podium. Les 3 marches du podium étaient occupées par le Québec, donc vraiment, là, ça regarde bien pour les Olympiques. Ils disent que sa blessure ne viendra pas nuire à ses chances de participer aux Olympiques. Donc, on souhaite parce que ce serait le fun. Ben, imagine un triplé québécois, mais en même temps, un triplé canadien. Là, c'est 3 médailles aux Olympiques pour ceux-là. Ça ferait monter le total de médailles assez haut. Ben oui. On sait qu'à Vancouver, le Canada vise gros. Vise gros parce que dernière, on n'a pas eu autant escompté. Ben oui. Ben oui. À Turin, on a dépassé ce qu'on voulait. 25 médailles, si je ne me trompe pas, on a eu 26. Mais 25 médailles, je veux dire, on s'entend-tu que c'est pas beaucoup comparé à des gros pays comme les États-Unis? Ben non, je suis obligé de dire que 25 médailles, c'est dans les... Ouais, mais compare pas les États-Unis. Je veux dire, les États-Unis, non, c'est le gros c'est budget, sûr, c'est mais ça. Si veut pas, mais non, la récolte de médailles de Turin avait été excellente, je me souviens. Puis on avait eu des déceptions au niveau hockey. Canada avait rien ramassé au hockey. Ah. Je me rappelle de Jeremy Witherspoon aussi, si je me trompe pas, qui s'était planté au départ, quelque chose comme ça. Moi, je me trompe de compétition, là, mais il me semble qu'il s'était planté ou en tout cas, mauvaise performance. Donc ça, c'était deux médailles assurées qu'on n'a pas eues. Les gars, les filles, c'était repris dans d'autres skis de fond. On n'avait pas bien performé, donc... On va voir ça, mais Canada à Vancouver, c'est très gros. C'est un programme qui avait été développé sur 8-10 ans. Je pense suite à Nagano. Non, attends une minute. Suite à Nagano. Entre Nagano puis c'était quoi? Salt Lake City. Si je me trompe bien, que là, on s'est mis à investir puis on veut que, tu sais, de la fierté nationale, on veut vraiment que ce soit ça. Donc, on va voir ce que ça va donner. On se croise les doigts. C'est encore loin, c'est dans un an. Ouais, là, donc, c'est ça, on a le temps de se préparer. On a le temps de se préparer. De réchauffer nos pouces pour se rendre à Vancouver sur le pouce et par le fait même visiter les beaux endroits de la Saskatchewan. La Saskatchewan? Ouais. La Colombie-Britannique? Non, mais faut que tu passes par la Saskatchewan pour la Colombie-Britannique. Ouais, faut que tu passes, mais les routes sont tellement le fun. Ah ouais, c'est des beaux décors en Saskatchewan. Ouais. C'est mieux de prendre l'avion. Si t'aimes le plat, si t'es quelqu'un qui collectionne le plat, la Saskatchewan, c'est ton paradis. C'est la plus belle place. Hey, on s'en va en musique avec la chanson Magané des Pistoleros. Magané pas mal. C'est ça, c'est exactement ça. Une chanson qui représente bien là, tout ce qui est. Tous ceux qui l'ont échappé hier soir, tous les petits rouquins et rouquins en herbe qui l'ont échappé hier. Donc, c'est les Pistoleros sur les ondes de C'est Fou 89.1. Attends-moi pas pour le souper. Je vais faire un tour au bar à côté. Je sais pas quelle heure que je vais rentrer. Y'a ma femme qui crie après moi. Les enfants font rien que chialer. J'ai la tête qui veut me sauter. Oh, le cœur va m'arrêter. J'suis magané, magané, magané. J'suis magané, magané, magané. Y'a mon boss qui arrête pas d'appeler. Ça fait trois jours que j'suis pas rentré. Ma femme était tellement écœurée qu'elle a fini par me laisser tomber. J'suis magané, magané, magané. J'suis magané, magané. Un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. Et c'était les Pistolets Roses avec la chanson Magané. Vraiment, là, de grosse Saint-Patrick pour plusieurs. Hier, d'ailleurs, les au trèfle, si, hier, ça brassait pas mal. Ben, il y avait gros du monde, ouais. Hey, justement, parlant de ça, Saint-Patrick, je sais pas si t'as remarqué, les Raptors de Toronto jouaient. On jouait deux matchs avec des... Normalement, leurs chandails sont rouges. Ouais. Chandail vert. Donc, C'est bien, ça. Puis, il y a plusieurs équipes, je sais, dans le hockey américain, le hockey mineur, là, la Ligue américaine, East Coast, tout ça, qui vont avoir des chandails spéciaux, genre pour la Saint-Patrick, vert. Comme, imaginez le chandail du Canadien, mais en vert. Ça se voit jamais, là. On l'espère pas, ça. Puis, les Celtics de Boston, hier, étaient en jaune avec du bleu fluo. Ben, t'sais, c'est une grosse tradition. C'est une grosse tradition, la Saint-Patrick. Ben, c'est une tradition dans des pays, comme, dans les gros pays, là. Ouais, ben, dans les à villes, surtout. Comme ça. Ben, en Irlande, même, c'était moins fêté avant. C'était une fête religieuse, plus, jusque dans les années 80. Mais, ça se fêtait. C'était surtout les expatriés, les Irlandais expatriés, qui fêtaient ça, ben, fort. Puis, je sais que Montréal a défilé qui est samedi, si je me trompe pas. Ouais, Montréal, ils en ont quand même pas mal. Ouais, c'est ça, là, qui ont creusé les canaux, puis tout ça. Donc, c'était ça, pareil. Fait que, ouais, je sais que la parade est samedi, puis ça va être très intéressant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez les Cataractes en Quijunion cette semaine? Yes, ben, dans le fond, cette semaine, comme on vous l'a dit plus tôt, c'est l'émission spéciale consacrée sur la LHJMQ. Donc, en première partie, on va parler, comme d'habitude, des matchs de la dernière fin de semaine des équipes de la région. Et on va terminer en parlant des prochaines séries éliminatoires qui débutent ce vendredi. Donc, déjà vendredi, là, les premières éliminatoires qui commencent. Et bien sûr, on va aussi parler des exploits de la saison avec plusieurs statistiques là, que je vous ai ramenées. Donc, on va débuter avec les Cataractes qui avaient deux gros matchs à la maison dans la dernière fin de semaine. Et non, comme prévu, ils ne l'ont pas eu facile. Tout d'abord, vendredi, ils recevaient la visite des Olympiques de Gatineau. Et on ne peut pas dire que les Cats n'ont pas essayé, eux qui ont dirigé 40 tirs au but contre seulement 16 pour les Olympiques. Mais ça n'a pas empêché aux Olympiques de se sauver avec une victoire de 3-2 sur les Cataractes. Dans la partie, les Olympiques avaient pris les devants tôt en première période, mais les Cats ont travaillé fort et ont réussi à créer l'égalité avant de voir Alain Goulet marquer un troisième but. Tout ça à l'avantage numérique pour donner la victoire aux Olympiques. Alain Goulet. Il y a le nom d'un joueur de hockey, mais en 83, avec genre les Nordiques, je trouve. Il n'y a pas un nom... c'est nouveau, je sais pas si ça va l'amener loin. À l'un côté, Michel Goulet, ouais, c'est ça, c'est il y a un mélange des deux. Il y a un nom pour l'emploi. Michel Goulet, il va scorer un but controversé puis il va se scraper le dos après ça dans la balle. Bon. La première étoile du match a été Mathieu Pistilli, lui qui a marqué un très beau but en deuxième période. Puis vendredi, les Cataractes se mesuraient à l'équipe de l'heure en ce moment dans la LHJMQ, l'Océanique de Rimouski. Les Cataractes ont bien mal commencé alors qu'ils ont accordé 3 buts consécutifs à l'Océanique. Mais les Cataractes ont par la suite ouvert la machine, marquant 3 buts à leur tour pour créer l'égalité. Puis les deux équipes se sont alors échangées un but, ce qui les a amenés en prolongation, alors que Luca Lonti de l'Océanique a tranché le suspense. Marque finale, 5-4, Océanique en prolongation. Les Cataractes terminent donc leur saison avec 2 défaites d'affilée avant les séries éliminatoires, mais je crois pas que ça soit négatif pour eux. Non. Parce que je pense qu'on va redoubler d'efforts là, dans la prochaine semaine, justement, pour pas que ça se produise en première ronde. En plus de terminer avec 2 défaites, ils ont aussi perdu les services du joueur de centre Pierre-Alexandre Vandal, lui qui est entré en collision avec le gardien de l'Océanique. Ouais, c'était violent comme collision, ça. Ouais, c'était une bonne collision. Ça a l'air que ça parlait pas fort à Shawinigan quand c'est arrivé. Ben, lui, il a reçu un 5 minutes pour ça, là. Pénalité de 5 minutes sur le gardien, là, mais. De toute façon, il n'aurait pas été de retour dans le match, là, avec la blessure qui s'est infligée. On ne sait toujours pas à quand est prévu la date de son retour. Va-t-il revenir cette saison? C'est malheureux parce que moi, j'ai eu la chance de le rencontrer la semaine dernière, là, justement, pour parler là, des prochaines séries éliminatoires qui commençaient. Donc, j'ai recueilli ses commentaires. On l'écoute. Oui, donc, Pierre-Alexandre, félicitations pour la belle saison que vous nous avez donnée avec les Cataractes. Selon toi, quelle a été la clé de votre succès cette année? Notre expérience, ça fait 2 ans qu'on est en reconstruction. On a eu une recrue cette année ou deux, je crois. Fait que les leaders se sont levés toute l'année. puis on a tout poussé dans le même sens, là, avec deux ans de système, le même coach. On est parti déjà avec une avance sur toutes les autres équipes. Puis on a continué comme ça toute l'année, là. OK. Donc, c'est sûr que vous entamez là, les séries éliminatoires dès la semaine prochaine. Ça va être face au Tigre de Victoriaville. Crois-tu qu'ils peuvent rivaliser avec vous, les Cataractes? Il faut pas prendre aucune équipe à la légère, mais il faut qu'on essaie de terminer cette série-là le plus vite possible pour avoir le plus long congé avant de sauter en deuxième ronde. Mais si ça s'en va en 7, faut pas baisser les bras. Il n'y a rien de terminé, là. Fait que, non, je crois pas que ils vont causer un si gros problème que ça, mais faut quand même pas les prendre à la légère. Non, ça, c'est sûr, c'est sûr. Good. Donc, c'est certain qu'on vise dès cette année rien de moins que la Coupe Memorial. Est-ce que tu crois que les Cataractes ont tout ce qu'il faut pour y arriver? On a tous les éléments sur glace, puis on a une motivation d'extra. On était peut-être supposé avoir la Coupe Memorial à Shawinigan cette année. Ils l'ont donné à Rimouski, fait que cette motivation-là, là, nous pousse dans le dos, là. C'est la plus grosse motivation, plus notre nouvelle aréna, qu'on n'a jamais pu donner une victoire à l'autre ancienne aréna après 40 ans. Les fans, ils vont plus nous supporter cette année, là. On va avoir une meilleure moyenne, on va avoir notre 7e joueur. Fait que toutes les chances sont de notre côté, là. Je vous le souhaite. Ça serait quoi l'équipe que vous redoutez le plus là, pour les séries éliminatoires qui s'en viennent? Il n'y a pas d'équipe vraiment qu'on redoute en tant que telle. On va toutes les prendre de la même manière, là, le plan de match. On va ajuster notre système de jeu en conséquence, mais je te dirais que... Une équipe là, que tu trouves que vous, peut-être que vous auriez plus de misère un peu? Une des équipes de tête, là, par exemple Drummondville, c'est sûr, là, comme tout le monde pense. Québec aussi peut me donner de la misère un peu. Comment t'as trouvé votre fin de saison justement dans votre tout nouvel amphithéâtre là, de Shawinigan? C'est là qu'on s'est vraiment démarqué avec les autres équipes. Je pense qu'on a fini deuxième ou premier dans la ligue en deuxième moitié de saison. C'est là que tu vois que les vétérans et l'expérience embarquent. La dernière course pour les playoffs, comment gérer son énergie, comment entamer les playoffs. Ça se joue dans les 10 dernières games, 15 dernières games. On a eu notre point tournant à Drummondville en gagnant fusillade. Fait que... À partir de ce moment-là, c'est vraiment là que le vent a tourné. On a poussé dans le même sens, puis ça va super bien. Non? On commence les séries en force. Avec beaucoup de confiance, je pense, ça c'est sûr. Pierre-Alexandre, tu as été nommé dans les 5 finalistes pour remporter le trophée Marcel Robert, qui est décerné au joueur étudiant par excellence de la saison. Comment fais-tu pour combiner aussi bien tes études et le hockey? Il faut juste mettre les priorités aux bonnes places. Prendre les trous libres, avoir un bon plan de match. C'est quoi tes objectifs principalement pour toi, là, pour ton futur après cette saison? C'est sûr un contrat plus haut avec une équipe de la Ligue nationale, mais au revenir comme 20 ans, ça pourrait être bien aussi, mais je pense pas vraiment au futur. Là, je vais avoir une bague de la Coupe Mémoriale à la fin de la saison. Là. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, merci beaucoup, Pierre-Alexandre, d'avoir accepté l'invitation. Puis je vous souhaite bonne chance pour les prochaines séries éliminatoires. Oui, donc, comme on l'a vu, c'est malheureux quand même. Là, pauvre lui qui a été blessé là, dans le dernier match. Dans le fond, il s'est blessé là, 3 jours après qu'on a eu cette entrevue-là. C'est plate un peu. Tu as porté malheur, man. Ah, j'y ai porté malheur, sérieusement, je pense. Donc, c'est ça. Donc, c'est les commentaires de Pierre-Alexandre Vandal. Donc, on va s'en aller maintenant en pause. Après la pause, on va parler des matchs des Voltigeurs, des Tigres. Et on fait le portrait là, des prochaines séries éliminatoires. Tout ça à C'est fou. CFOU.ca, c'est un portail d'information sur votre radio. Les actualités utériennes et les spectacles à voir absolument. CFOU.ca, c'est le palmarès, des concours, un forum. CFOU.ca, c'est le site de radio universitaire où vous pouvez visiter de la francophonie. CFOU.ca, c'est la possibilité d'écouter vos émissions en ligne, partout sur la planète. CFOU.ca, c'est tout ça. Toutes les informations de vos équipes. J'ai besoin de recharge! Vent recharge, c'est moins cher! Tu comprends pas, je suis vraiment à sec! Mais justement, vent recharge, ils vont te rappeler ça, eux autres! En plus, les prix sont imbattables! La recharge, la place la moins chère pour remplir tes cartouches d'encre et laser. 1380 boulevard des Récollets. Perds pas ton temps à aller voir ailleurs. Viens à la recharge! Salut, mon Danny! Ah, salut. Ça a pas l'air d'aller, mon chum? Bah, je pense que je suis du bout de la nouveauté, là. De la nouveauté? Viens avec moi, t'arranger ça. Wow, aussi que tu m'amènes, toi, là. On s'en va à la barrique. La quoi? La barrique. avec au-dessus de 300 sortes de bières différentes puis des nouveautés qui arrivent pratiquement toutes les semaines, tu vas voir, mon Danny, on va te les changer, les idées. En plus de ça, le monde qui travaille là sont vraiment trippants et ils connaissent ça pas à peu près. Fait que, embarque avec moi, on s'en va au 41-70 Boulevard des Forges, juste à côté de la cage au sport. Le Blues de la Job, c'est 2 heures de blues avec votre hôte Sébastien Boucher tous les dimanches de midi à 14h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, la radio du campus de Trois-Rivières. Les bains me disent ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Et c'était le groupe André avec la chanson Brigade Rouge qui est présentement en deuxième place là, du palmarès C'est Fou de cette semaine qui est savamment animé par Mathieu Plante tous les vendredis. Il est présentement 10h36. Il fait un magnifique, non c'est pas vrai, il est dégueulasse. Il fait 1 degré Celsius dehors avec une pluie qui me fait haïr le printemps. Si au moins le printemps était ensoleillé comme hier, c'était magnifique. Moi aujourd'hui... Ben attends, là, la journée fait juste commencer. Non, il y en annonce toute la journée. Il fait pas frette au moins, on peut pas dire ça. On peut pas charler là-dessus. Oui, mais il y en annonce toute la journée, j'ai météo média devant moi. Bon. Ducharme Giroux avec vous pour nous rejoindre en studio live à commercial et conduitdepartie.com. Pour notre site internet, ôtez le live à commercial, rajoutez-vous 3W, vous allez être très heureux avec ça. On continue en parlant des voyageurs de Drummondville, des tics de Victoriaville aussi. Oui, donc les voltigeurs, eux autres, la fin de semaine dernière, avaient la tâche beaucoup plus facile que les cataractes, alors qu'ils affrontaient tout d'abord les Saguenayens vendredi. Et ils l'ont facilement emporté par la marque de 7-2. Dans la victoire, Gabriel Dumont a marqué 2 buts. Le prolifique Yannick Riendeau a amassé 3 points. Et Dimitri Koulikov a été l'autre étoile du match avec 2 passes. Les Voltigeurs ont inscrit 4 buts en avantage numérique dans cette partie, ce qui leur a permis de terminer au premier rang des unités spéciales cette saison, devant les Cataractes, qui ont d'ailleurs mené durant toute la saison. Puis, dimanche, ils recevaient le Drakkar de Baie-Comeau, mais ça n'a pas été aussi facile qu'ils le pensaient, alors qu'ils l'ont difficilement emporté par la marque de 4-3, avec 1 but en fin de 3e période, de qui? Encore une fois, Gabriel Dumont. Je pense que Gabriel Dumont, ça a été la vedette des Voltigeurs cette fin de semaine. C'est vraiment là qu'on voit là, que les Voltigeurs ont beaucoup de profondeur. Il n'y a pas juste Yannick Riendeau qui est capable de compter des buts. Il y a Gabriel Dumont, Dimitri Koulikov, écoute, Mike Hoffman. Ils ont tellement une bonne équipe, sérieusement, pour les 6 prochaines éliminatoires. Il n'y a pas Mabod aussi? Samson Mabod, je pourrais te nommer l'équipe au complet. Ouais, dans c'est le fond, ça, là. Ben, t'as pas le choix. Si tu veux aller loin en série, ça te prend de la profondeur. Parce qu'en série, si tu mets de la pression sur le premier trio, ça te prend des trios qui répondent dans les autres lignes, sinon ça, t'es fait. Ça, c'est sûr. Ben oui, ça, c'est sûr. Une petite mention spéciale aussi pour le gardien du Drakkar, François Lacerte, qui a récolté 41 arrêts devant la puissante offensive des Voltigeurs. Les Vols terminent donc leur saison avec 7 victoires de suite. Ils remportent ainsi leur premier championnat de saison régulière de leur histoire. Donc, félicitations là, aux Voltigeurs de Drummondville pour cette belle saison qu'ils nous ont donnée. Maintenant, on va parler un petit peu des Tigres. Eux qui aussi terminaient leur saison à la maison, alors que tout d'abord, vendredi, ils recevaient la visite des Foreurs de Val-d'Or, qui essayaient encore tant bien que mal de se tailler une place dans les séries éliminatoires. Et les Tigres ont montré leur jeu d'un cran dans un véritable festival offensif, alors que les Tigres l'ont emporté par la marque de 8-5. Jonathan Bonneau des Tigres a récolté 4 points dans la victoire et Philippe-Michael DeVos a pour sa part récolté 3 points. Puis, dimanche, les Tigres recevaient la visite des Remparts de Québec au Colisée Desjardins et les Tigres ont vraiment démontré aux Cataractes qu'ils n'étaient pas à prendre à la légère pour les prochaines séries, alors qu'ils ont défait la troupe de Patrick Roy par la marque de 6-2. David Clich a été la grande vedette du match, lui qui a marqué 3 buts et 2 passes pour un total de 5 points. Maxime Tanguay a été l'autre vedette du match, lui qui a inscrit 4 passes. Les Tigres terminent donc leur saison de belle façon avec 3 victoires d'affilée, mais on est loin de s'asseoir dans nos lauriers puisque les séries commencent ce vendredi contre les Cataractes. Ish. Bonne chance. Bonne chance. Donc, on va parler maintenant justement des prochaines séries éliminatoires qui débutent ce vendredi. Donc, toutes les séries se mettent en branle vraiment ce vendredi. Donc, on va faire le tour de chaque série. Ouais. On va dire un peu qu'est-ce qu'on en pense. Et on va donner notre prédiction face à cette série-là. On va même comptabiliser nos résultats à moi et Nicolas pour voir qui est le meilleur prédicteur de la LHJMQ. Prédicteur, donc, c'est un mot aussi? Ben, on l'invente. Qui, ouais, bon, c'en est un. Je vais appeler Robert. On va checker le ça. Le technicien. Non. Non, le petit Robert. Le petit Robert. Donc, okay. Oui, c'est ça. Puis même, on vous invite, les gens qui nous écoutent, si vous voulez embarquer, on va se faire un petit pool totalement amical, sans prix. Le seulement, pool de l'inconduite de partie. On joue pour la fierté, donc si ça vous tente d'embarquer avec nous, ça va être sur le site inconduitedepartie.com. On va avoir un petit fichier Excel, remplissez ça, puis comment on fonctionne? Un point. Ça marche 1 point si vous avez la bonne prédiction avec l'équipe, 2 points si vous avez la bonne prédiction et le en bon plus, nombre le de matchs. Match. D'accord, donc on va avec ça. Essayez pas de trop nous imiter. Je sais qu'on est des modèles pour vous, là, mais écoutez, essayez d'avoir vos productions. Donc, on va commencer avec... Tu t'aimes, man. Non, tu t'aimes toi aussi. Donc, on va commencer par la série qui nous intéresse le plus, bien sûr. Les Tigres de Victoriaville qui feront face aux Cataractes de Shawinigan. Moi, de mon côté, je pense que je m'attends à une grosse série de ce côté-là. Je sais que les Cataractes ont une puissance vraiment comparativement aux Tigres. Mais les Tigres ont donné de la misère dans les derniers matchs là, contre quand ils ont joué contre les Cataractes. Ouais. Si on regarde l'affiche cette année des Tigres. Une victoire, 7 défaites contre les Cataractes. Les Cataractes ont remporté 7 matchs en 8. Mais si on regarde les 2 derniers matchs, c'est vraiment là que c'était le plus important parce que c'est là qu'on avait nos formations complètes. Ouais. Le 23 janvier, les Tigres qui avaient remporté un beau match à la maison par la marque de 2-1, un match que j'avais d'ailleurs écouté. Ouais. Et les Tigres avaient vraiment présenté une formation qui était de taille pour les Cataractes. Et le 7 février, qui n'est pas très très loin, donc les Cataractes l'avaient difficilement emporté en prolongation par la marque de 6-5. Okay. En plus, avec la perte de Pierre-Alexandre Vandal, ça pourrait jouer un peu là. Ben, c'est un gros joueur, contre Vandal, eux, ouais, c'est ça. Là, donc, Pour ma part, moi, je prédirais vraiment une victoire des Cataractes, ouais. C'est certain. Mais je vais y aller avec une longue série. Donc, moi, je pense que les Cataractes vont l'emporter en 6 matchs. OK. De mon côté, j'hésite. Ça va être Cataractes. J'hésite en 5 et 6 matchs. C'est sûr que la perte de Vandal me tracasse un peu. Moi, j'ai goût d'y aller en 6, moi aussi. Bon, hein? Ça y est. Non, hey, je vais pas dire le contraire de toi. Non, après c'est ça. On va y aller en 6 matchs. C'est sûr que en 7, ça sera encore plus le fun. Non, je pense pas que ça va aller les voir mardi prochain. Ouais. Mais encore là, on le souhaitera pas non plus. Là. Je souhaite que les Cataractes l'emportent haut la main. Haut la main. Ça se règle en 5, ça se règle en 5. C'est ça. Donc, on va parler maintenant de la deuxième série, les Voltigeurs de Drummondville qui vont affronter les Maniacs de Lewiston. L'équipe qui s'est difficilement taillée une place en série. Ça a été à la dernière journée avant de savoir s'il allait participer aux séries en ramassant 1 point contre les Saguenayens de Chicoutimi dimanche. Donc, moi, je pense que ça va être... cette année, les Voltigeurs ont remporté 7 victoires. La seule défaite qu'ils ont eue, c'est le premier match de la saison contre eux le 10 octobre. Donc, je pense vraiment que les Voltigeurs vont l'emporter facilement. Juste à voir qu'ils ont remporté 7 victoires d'affilée là, à la fin de la saison. Donc, pour ma part, ça va être vraiment les Voltigeurs de Drummondville en 4 matchs. En 4 matchs, moi aussi. Bon. Oh, ça va être simple. Ça, ah, ça va ça être sera simple. Pas là. Non, c'est ça. On va parler de la 3e série qui pourrait être intéressante. Pour ma part, très intéressante. Le Drakkar de Baie-Comeau qui va affronter les Remparts de Québec. Les Remparts qui ont eu du succès face au Drakkar cette année. Donc, 7 victoires, 1 défaite pour eux. Baie-Comeau, 1 victoire, 7 défaites. Donc, la seule défaite s'est soldée par une défaite de 4-0 qui était le 9 décembre. Pour le résultat, je pense que les Remparts ont démontré vraiment qu'il y avait une puissance à côté là, du Drakkar. Donc, Non. Je vais le dire en premier ce coup-ci, comme ça. Ouais, vas-y. Québec en 5. Ah, ben, Colin. On dirait qu'on a quasiment prévu nos affaires. Québec en 5 pour ma part aussi. Donc, on va aller remporter ça là, au 5e match là, au Colisée Pepsi à Québec. Maintenant, une autre série qui va être intéressante. Ben, intéressante, c'est encore drôle. Les Saguenayens de Chicoutimi contre l'Océanique de Rimouski. Donc cette année, on a eu quand même, ça a été quand même égal entre les deux équipes en saison régulière. L'Océanique a eu 4 victoires, 4 défaites. Chicoutimi, même chose. C'est certain qu'on n'a pas eu tout le temps la pleine formation pour l'Océanique. C'est vraiment en fin de saison qu'on a eu, qu'on a vraiment monté le niveau. On a vu la vraie Océanique. C'est ça, la vraie Océanique qui va être là pour les prochaines séries. Mais quand même, faut dire que les Saguenayens ont remporté 4 victoires contre l'Océanique. Donc, on peut dire qu'ils ont quand même le numéro un petit peu de l'Océanique. Donc, ça pourrait quand même jouer. Cette fois-ci, moi, je vais prendre vraiment pour l'Océanique de Rimouski, bien sûr, en 5 matchs. Ouais. Il m'a fait différemment ce coup-ci. Ah, vas-y donc. En quatre. Un balayage. Ouais. Je serais bien content pour lui, je vais te dire, mais écoute, je pense que quand même. Ben, gars, je pense que l'Océanique sont sur une lancée, puis j'ai l'impression qu'ils vont démolir. Il y a des têtes qui vont rouler. Ouais, ben, tu sais, un match, des fois, ça peut aller d'un bord, puis d'un autre. Ben, puis oui. Richard Martel peut sortir Il est capable de sortir, mais en tout cas, j'ai pas vu du jeu très inspiré de la part des Saguenayens cette année. Non, dans les derniers année, temps, non, pas en tout. Donc, on a enfin une prédiction différente. Enfin. On va parler maintenant d'une autre série. Quand même assez facile à déterminer. Ouais. L'Acadie, les Titans d'Acadie Batters contre les Olympiques de Gatineau. Cette année, les Olympiques ont perdu les 3 matchs contre les Titans, mais il faut dire que le dernier match remonte au 31 octobre, okay. Donc à l'Halloween. Donc, même le nouvel entraîneur là, Dupont n'a pas encore affronté le Titan. Donc, je pense que ça va vraiment... C'était avant l'explosion de Paul Byron, ça aussi, ouais, en octobre. C'est ça. Avant l'arrivée de Jérôme Dupont, avant l'explosion de Paul Byron. Donc, je pense que ça n'indique pas vraiment qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine série. Pour ma part, ça va être un balayage. Hey, les Titans qui ont perdu, je crois, 13 matchs d'affilée à la fin de la saison. Ouais. Donc, pourquoi pas 17 matchs d'affilée pour terminer? Donc, les Olympiques en 4. OK, je vais y aller avec les Olympiques en 5. En 5? Ah, je vais y aller différemment. C'est bon, c'est bon. La prochaine, c'est moi qui ai dit la première. Parce que là, La prochaine est plus difficile, par exemple. Pareil comme toi. Mais là, c'est vraiment la plus grosse série de la première ronde. Je te vois venir. Pour ce qui est des autres, on sait déjà pas mal qu'est-ce qui va se passer. Mais cette série-là, ça peut jouer d'un bord comme de l'autre. Les Huskies, cette année, qui ont remporté 5 victoires en 8 matchs contre le Junior de Montréal. Mais le Junior a quand même terminé avant eux. Donc, c'est pour ça qu'ils vont avoir l'avantage de la glace. Donc, c'est ça. Pour ma part, là... Non. Je dis en premier. Ah, c'est vrai. Commence. Je dis en premier. Oui, vas-y. Rouyn-Noranda en 7. Oh! C'est bon, ça. J'aime ça. Ouais. Moi, c'est Rouyn-Noranda aussi, parce que le Junior... bon, je pense qu'avec la perte d'Angelo Esposito, ça va paraître. Puis Montréal n'a jamais eu du succès en série éliminatoire, donc je ne dirais pas pourquoi cette année ça changerait. Ouais, ben c'est un nouveau club. Ben, oui, c'est aussi, un nouveau c'est club, différent. Pascal Vincent. Montréal de graver avec eux, ça va pas loin en série. Comment t'as dit? Ah non. Ah non, un gars de Québec. Un gars de Québec. Bon, donc les Huskies en 6 pour ma part, en 6 matchs. Il y a encore une équipe, par exemple, à Montréal. Ouais. Écoute. Donc les Huskies en 6, donc on a une quelque peu différente. Moi, je pense que les Huskies vont vraiment... Ça va dépendre de Jake Allen. Ouais. Ça va vraiment dépendre de Jake Allen. Et dans Jake les Allen, savais-tu qu'il est possible qu'il rate le début de la série? Non, j'ai manqué ça. Parce qu'il est blessé en ce moment. Okay. Donc, son cas va être réévalué là, justement cette semaine. C'est Bérubé le deuxième, je ne me trompe pas, Jean-François Bérubé. En tout cas, il semblait qu'il est quand même... qui a bien joué. Là. J'ai écouté la partie samedi dernier à la radio. Puis, tu sais, qu'il se débrouille quand même bien pour un gars qui est un invité au camp d'entraînement. Tu sais, il jouait, je pense, genre midget 2A à Montréal, puis il a été invité, puis il a fait le club, donc ça a de l'allure. On verra bien. Mais des fois en série, mais c'est pas Jake Allen. Il y a des joueurs, il y a des gardiens qui se font démolir en série, j'en connais quelques-uns. Comme t'as des gars qui... Oh, t'avais-tu un nom à nommer? Bobby Nadeau, oui. Oh, donc, come on, il est troublé, Bobby Nadeau. Laisse-y une chance. On va terminer avec les deux dernières séries des Maritimes. Ceux qui nous intéressent, je vous dirais le moins. Mais quand même, on peut avoir du très bon. Ça m'intéresse super. Non, c'est intéressant. C'est des bonnes séries parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de spectateurs qui se rendent dans ces arénas-là, contrairement à des petits arénas ici. Mais c'est sûr que c'est pas... Quand t'as le chalet pour recevoir un gros party, si t'en attires plus que quand t'as le chalet pour recevoir du monde qui doivent dormir dans une tente dehors. Analogie de camping. Sortez les guimauves. Donc, l'Île-du-Prince-Édouard, le Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard qui vont affronter les dangereux Wildcats de Moncton. Cette année, les Wildcats ont emporté les 7 matchs face aux Rockets cette saison. Question. Donc, oui. Question. Qui est dans les buts pour l'Île-du-Prince-Édouard? Qui est dans les buts pour l'Île-du-Prince-Édouard? Ouais. Je le sais pas. Ah, je sais pas. Tu sais pas. Ce serait pas Bobby Nadeau? Ouais, je pense que c'est Bobby Nadeau. Ouais. Okay, t'as raison. Donc, t'as raison. Bobby Nadeau est rentré à l'Île-du-Prince-Édouard. Donc, écoute, je dis ça comme ça. Totale. Là, bas, c'est Nicolas Riopel. C'est quoi? C'est pas le gars qui vient de faire un championnat, un record? Oui. Oui, donc 2.01, une belle moyenne cette année. Mais je pense que Bobby Nadeau, là, c'est à son année de 20 ans. Donc, je pense que Bobby Nadeau, là, quand même rendu un bon gardien, il ne veut pas. Donc, ça pourrait être une de l'aide du Rocket que le Rocket va avoir. Donc, comme je vous ai dit, les Wildcats ont remporté les 7 matchs cette saison face au Rocket. Donc, je prédis les Wildcats de Moncton, mais en 5. En 5 matchs, parce que les Rockets sont capables de quand même... Moi aussi, j'y allais avec... Aussi. Ouais. Dernière série, une série aussi qui peut être intéressante selon plusieurs experts. On croirait que ça pourrait être la série qui pourrait avoir une surprise. Donc, les Sea Dogs de St. John's qui affrontent le Screaming Eagles de Cap-Breton. Cette année, les Screaming Eagles qui ont emporté 5 matchs sur 7, dont plusieurs en prolongation. Donc, pour ce qui est de ma part... le Screaming Eagles, je crois pas que les Sea Dogs de St. John peuvent causer une surprise. Les Screaming Eagles ont vraiment un club pour aller loin. Donc, je prédis vraiment les Screaming Eagles en 6 matchs. Screaming Eagles en 6 matchs, oui, je vais y aller avec Screaming Eagles aussi, mais j'ai le goût d'y aller en 7. En 7 matchs? Wow, ouais. Non, en 5 matchs. Ça serait pas pire en 7 matchs? Non, en 5 matchs. J'ai pas aimé comment les Sea Dogs ont tout vendu ce qu'il y avait dans leur chose à la fin. Donc, on a nos prédictions. On va nos voir prédictions ce que ça va sont faites. On va parler maintenant de quelques exploits qu'on a eu cette saison. Donc, on peut pas passer à côté des Voltigeurs de Drummondville qui ont amassé 112 points cette année. L'an dernier, ils avaient amassé 33 points. Donc, c'est une montée de 79 points, ce qui est un record cette année pour la LHJMQ. On a d'ailleurs confirmé que Guy Boucher et Dominique Rancard, donc on a prolongé leur contrat pour une durée encore de 5 ans. On a parlé beaucoup des bagarres cette saison. On a vraiment vu une diminution des bagarres, c'est l'enfer. Donc l'année passée, on était à 0.91 de moyenne. Cette année, on est à 0.49. Donc c'est une diminution d'à peu près 50%. C'est vraiment beaucoup. C'est malheureux, je trouve, là, un peu pour le hockey junior. Ouais, ben en tout cas, on verra bien. On verra bien. Donc, ensuite de ça, on pourrait parler un peu de Nicolas Réopel, bien sûr, qui a battu le record de la meilleure moyenne de buts alloués avec 2.01. L'ancien record était détenu par Patrick Couture des Remparts de Québec, que j'ai vu jouer au PEPS de l'Université Laval. Donc, félicitations à Nicolas Réopel, tout un gardien de but. Et Moncton, du même coup, établit le record du moins but alloué avec 149 buts. L'ancien record qui était détenu par les Screaming Eagles du Cap-Breton en 2003-2004. Donc, très bonne saison pour eux. Oui. Hey, Pierre-Luc, je te remercie beaucoup. Donc, on va pouvoir suivre vraiment tout ce qui est série. On le sait, à toutes les semaines, tu vas être là pour vraiment... Ben, c'est ça, pour analyser les victoires, les défaites. Nous dire tout ce qui est arrivé. Hey, on va conclure l'émission. Je vais vous parler, c'est le tournoi March Madness qui commence aux États-Unis entre... je sais pas si tu connais un peu le tournoi, Pierre-Luc, comment ça fonctionne. Non, pas vraiment. Je pense que les auditeurs aussi... 360 quelques programmes de basketball qui sont dans la NCAA aux États-Unis, ils prennent les 64 meilleurs. 65, à vrai dire. T'as un match éliminatoire pour savoir qui rentre 64. Puis, c'est classé. Il y a un classement, là, dans le fond, pour savoir qui est premier, tout ça. Ils vont s'affronter sur 3 semaines dans différentes villes. Là, on parle Miami, Minneapolis, Dayton, Portland en Oregon, Greensboro et... quand que tu tombes dans les ce qu'on appelle le Elite Eight, un petit peu plus avancé là dans le fond, le Sweet 16 puis le Elite Eight, ça va jouer au Lucas Oil Stadium, qui est le stade des Colts, au stade des Cards de l'Arizona, au Boston Garden, au TD Bank North Garden et à Memphis aussi. La finale, le Final Four, se déroule au Ford Field, donc devant 78 000 personnes. La finale, c'est un gros événement. Vous allez voir ça vraiment là sur vos zones dans les 3 prochaines semaines. C'est le fun parce que les matchs se jouent tous en même temps. Ou presque, là, dans le fond. Fait que t'as la finale d'un match. 10 minutes plus tard, t'as la finale d'un autre match. Comme le dernier 3 minutes. T'as l'autre finale. Donc, c'est vraiment, là, triplant. C'est que tu tripes et tu planes en même temps. T'as pas beaucoup de tripes aujourd'hui. Ouais, c'est bon. Hier, t'es plané deux Irlandaises. Non. non, je suis un gars propre. Ceux qui ont été classés premiers dans chacune des divisions, c'est Louisville qui a été choisi premier dans le Midwest. Dans la West, c'est Connecticut, UConn. Mais faites attention dans celle-là, Memphis, qui est vraiment, là, tant qu'à moi, qui va peut-être sortir UConn. UConn est d'ailleurs chanceux, tant qu'à moi, d'être classé premier. Écoute ça, Pierre-Luc, ils ont joué leur finale de championnat du Big East, OK, qui est la conférence, dans le fond, qui donnait le champion avait automatiquement accès au tournoi. Contre Syracuse, ça s'est terminé en 6e période de prolongation. Ici, au basket, tu sais, au hockey, 4-5 périodes de prolongation, ça passe. C'est sûr, c'est des 5 minutes de prolongation. C'est pas super long, là. Mais tu sais, au basketball, la dernière minute est plus longue que le reste de la demi, là. Mais, en 6e période de prolongation, la partie a commencé à 9h37 le soir pour se finir à 1h22. Ça a fini 127-117, victoire de Syracuse. Donc, tout un match. Ben, c'est le plus long match de l'histoire. Puis tu sais, c'est que les gars se font sortir quand ils arrivent à 5 fautes, tu te fais sortir. Donc, pas facile. À part de ça, comme first seeded, classé premier, Pittsburgh et North Carolina, donc les Tar Heels, toujours très haut. Duke est classé 2e dans la East, il va falloir garder ça, ils sont tout le temps très, très, très puissants. Syracuse est classé 3e, ils vont être à regarder, mais Syracuse a vraiment l'habitude de choker, donc... On verra bien ce que ça va faire. Michigan State est classé deuxième dans la Midwest. Préparez-vous, Michigan State, ça se plante tout le temps. J'espère qu'ils vont se planter, je les aime pas. Donc, d'après moi, ils iront pas très loin. Hey, vous pouvez aller sur comme Yahoo, CBS Sportsline, quelque chose comme ça, puis aller faire ce qu'on appelle vos propres brackets, aller voir ça, puis comme dans le fond, choisir le gagnant. Puis je sais qu'il y a des concours, si t'as un tournoi parfait, t'as choisi tous les gagnants parfaits, $1,000,000! Donc, ça serait intéressant. EA Sport a fait une simulation au Xbox ou en tout cas PlayStation du tournoi avec leur jeu March Madness. On choisit Louisville pour gagner le championnat. Donc, ça peut être intéressant comme ça pourrait absolument rien dire. Donc, on va conclure l'émission comme ça. Les matchs, j'avais-tu trouvé? Ouais, ben, faut surveiller les matchs de cette fin de semaine, bien sûr, dans les éliminatoires. Donc, les matchs à Shawinigan ce vendredi 19h30 et samedi, notez bien l'heure, 16h. Et pour ce qui est des voltigeurs, ça va être vendredi soir 19h30 et samedi soir 19h. Donc, soyez présents, ça va brasser. Ben, merci beaucoup et on vous souhaite bonne semaine, tout le monde. On se laisse en musique avec la chanson Je cherche des Gruesomes. Vous avez écouté l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou 89.1. À la semaine prochaine. Bonne semaine.